Les cérémonies pour exposer les photos du dirigeant Kim Jong-il ont eu lieu le 19 à la centrale hydroélectrique de Buria et à la gare de Buria de Russie, à l'occasion du 5e anniversaire de la visite historique du dirigeant en Sibérie et en Extrême-Orient de la Fédération de Russie. Y ont participé les personnalités du gouvernement de la région d'Amour, de l'arrondissement de Buria, de la centrale et de la gare, les habitants et les diplomates de la représentation coréenne. Les participants ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant la stèle commémorative portant l'autographe du dirigeant érigé dans la centrale et le tableau d'inscription de la gare avant de rendre hommage. Aux applaudissements enthousiastes des participants, on accrochait la photo du dirigeant qui domine le panorama de la centrale et la photo du dirigeant qui fait le tour de la centrale dans la salle qu'il a visitée et dans le bâtiment de la gare. Le même jour, la plantation commémorative, l'exposition de livres, de photos et de beaux-arts coréens et autres cérémonies coréo-russes ont eu lieu sur place à l'occasion du 5e anniversaire de la visite du dirigeant dans la centrale et dans la gare.